Chapitre 3. La pêche miraculeuse. Conte fantastique. Un matin du mois de septembre 1850, le vieux peintre de marine, Andreus Kappelmans, mon digne maître, et moi, nous fumions tranquillement notre pipe à la fenêtre de son atelier, au dernier étage de la vieille maison qui forme le coin à droite de la rue des Brabançons, sur le pont de Leyde, et nous vidions un pot d'ale à notre santé réciproque. J'avais alors 18 ans, la tête blonde et rose. Kappelmann s'approchait de la cinquantaine. Son gros nez rouge prenait des teintes bleuâtres, ses tempes s'argentaient, ses petits yeux gris se plissaient, de grosses rides bridaient ses joues brunes. Au lieu de la plume de coq qui faisait jadis sa gloire, il venait d'orner son feutre d'une simple plume de corbeau. Le temps était superbe. En face de nous se déroulait le vieux Rhin. Quelques nuages blancs nageaient au-dessus dans l'azur. Le port avec ses gros bateaux noirs, la voile pendante dormait au-dessous. Le soleil miroitait sur les flots bleuâtres et des centaines d'hirondelles fendaient l'air. Nous étions là rêveurs, l'âme noyée de sentiments. De grandes feuilles de vigne encadrant la fenêtre frissonnaient à la brise. Un papillon s'élevait, une volée de moineaux criards s'élançait à sa poursuite. Plus bas, sur le toit de l'échoppe, un gros chat roux s'arrêtait et regardait en balançant la queue d'un air méditatif. Rien de calme comme ce spectacle. Et pourtant, Kappelmann s'était triste, soucieux. « Maître Andreus, lui dis-je tout à coup, vous avez l'air de vous ennuyer. »« C'est vrai, fit-il, je suis mélancolique comme un âne qu'on étrille. »« Pourquoi ? Le travail va bien ? Vous avez plus de commandes que vous ne pouvez en remplir. Et voici la kermesse qui vient dans une quinzaine. J'ai fait un vilain rêve. Vous croyez au rêve, maître Kappelmans ? Je ne suis pas sûr que ce soit un rêve, Christian, car j'avais les yeux ouverts. » Puis, vidant sa pipe au bord de la fenêtre, « Tu n'es pas sans avoir entendu parler de mon vieux camarade Van Marius, » dit-il. Van Marius, le fameux peintre de marine, qui comprenait la mer comme Ruisdael comprenait la campagne, Van Ostade, le village, Rembrandt, les intérieurs sombres, Rubens, les temples et les palais. Ah, c'était un grand peintre. En face de ses tableaux, on ne disait pas « c'est beau », on disait que la mer est belle, qu'elle est grande et terrible. On ne voyait pas le pinceau de Van Marius aller et venir, mais l'ombre de la main de Dieu s'étendre sur la toile. Oh, le génie, quel don sublime, Christian ! Kappelmann se tut, les lèvres serrées, le sourcil froncé, les larmes aux yeux. Pour la première fois, je le voyais ainsi. Cela m'étonnait. Au bout d'un instant, il reprit. Van Marius et moi, nous avions fait ensemble nos études à Utrecht, chez le vieux Rissen. Nous aimions les deux sœurs. Nous passions ensemble nos soirées à la taverne de la Grenouille, comme deux frères. Plus tard, nous vîmes aller de bras dessus, bras dessous. Van Marius n'avait qu'un défaut. Il aimait le genièvre et le skidam plus que l'ail et le porter. « Tu me rendras cette justice, Christian, que je ne me suis jamais grisé qu'avec de l'ail. Aussi, je me porte bien. » Malheureusement, Van Marius se grisait avec du genièvre, encore s'il n'en avait bu qu'à la taverne. Mais il s'en faisait apporter jusque dans son atelier. Il ne travaillait avec enthousiasme que lorsqu'il en avait une ou deux chopines dans l'estomac et que les yeux lui sortaient de la tête. Alors il fallait le voir, il fallait l'entendre hurler, chanter et siffler. Tout en mugissant comme la mer, il brossait sa toile à tour de bras. Chaque coup de pinceau soulevait une vague. À chaque sifflement, on voyait les nuages approcher, grossir, s'entasser. Tout à coup, il prenait sa brosse au vermillon et voilà que la foudre coulait du ciel noir sur les flots verts, comme un jet de plomb fondu, et dans le lointain, au-dessous de la voûte sombre, au loin, bien loin, on découvrait une barque, un cutter, n'importe quoi, écrasé entre les ténèbres et l'écume. C'était épouvantable. Quand Van Marius peignait des scènes plus calmes, il se faisait jouer de la clarinette par le vieil aveugle Coppelius à raison de 2 florins par jour. Il coupait son genièvre avec de l'ail et mangeait des saucisses, pour représenter des scènes champêtres. Tu conçois, Christian, qu'avec un régime pareil, il devait se détériorer le tempérament. Combien de fois ne lui ai-je pas dit « Prends garde, Yann, prends garde !» Le Genièvre te jouera un mauvais tour. Mais bien loin de m'écouter, il entonnait un refrain bachique d'une voix tonnante et finissait toujours par imiter le chant du coq. C'était son plaisir favori d'imiter le chant du coq. Ainsi, par exemple, à la taverne, quand son verre était vide, au lieu de frapper sur la table comme tout le monde pour prévenir la servante, il agitait les bras et lançait des cocoricots jusqu'à ce qu'on eût rempli sa chope. Depuis longtemps, Marius me parlait de son chef-d'œuvre, La pêche miraculeuse. Il m'en avait fait voir les premières esquisses et j'en étais émerveillé lorsqu'un beau matin, il disparut subitement de l'aide et depuis, personne n'a reçu de ses nouvelles. Ici, Kappelmans ralluma sa pipe d'un air rêveur et poursuivit. Hier soir, j'étais à la taverne du Cruchon d'Or en compagnie du docteur Römer d'Eisenlöffel et de 5 ou 6 vieux camarades. Vers 10 heures, je ne sais plus à quel propos, Römer se mit à déclamer contre les pommes de terre, déclarant que c'était le fléau du genre humain, que depuis la découverte des pommes de terre, les aborigènes de l'Amérique, les Irlandais, les Suédois, les Hollandais et généralement tous les peuples qui boivent beaucoup de spiritueux, au lieu de jouer comme autrefois leur rôle dans le monde, se trouvaient réduits à l'état de zéro. Il attribuait cette décadence à l'eau de vie de pommes de terre, et tout en l'écoutant, je ne sais par quelle évolution singulière de mon esprit, le souvenir de Van Marius me revint en mémoire. « Pauvre vieux, me dis-je en moi-même, que fait-il maintenant ? A-t-il terminé son chef-d'œuvre ? Pourquoi diable ne donne-t-il pas de ses nouvelles ?» Comme je réfléchissais à ces choses, le Wartmann entra dans la salle pour nous prévenir qu'il était temps de quitter la taverne. 11 heures sonnaient. Le Wartmann, le veilleur. Je rentre donc chez moi, la tête un peu lourde, je me couche et je m'endors. Mais voilà qu'une heure après, Brigitte, la ravaudeuse en face, allume ses rideaux. Elle crie « Au feu !» J'entends courir dans la rue. J'ouvre les yeux et qu'est-ce que je vois ? Un grand coq noir perché sur un chevalet au beau milieu de mon atelier. En moins d'une seconde, les rideaux de la vieille folle avaient flambé, puis s'étaient éteints d'eux-mêmes. Tout le monde s'en allait en riant. Mais le coq noir restait toujours à sa place, et comme la lune brillait entre les tours de l'hôtel de ville, ce singulier animal m'apparaissait on ne peut mieux. Il avait de grands yeux jaunes cerclés de rouge et se grattait la crête du bout de la patte. Je l'observais depuis au moins 10 minutes, me demandant par où cet animal bizarre avait pu se glisser dans mon atelier, lorsque, relevant la tête, le voilà qui me dit « Comment, Kappelmans, tu ne me reconnais pas ? Je suis pourtant l'âme de ton ami Van Marius. » « L'âme de mon ami Van Marius, m'écriai-je. Van Marius est donc mort ?»« Oui, répondit-il d'un air mélancolique. C'est fini, mon pauvre vieux. J'ai voulu jouer la grande partie contre Hérode Van Gambrinus. Nous avons bu 2 jours et 2 nuits sans désemparer. Le matin du 3e jour, comme la vieille Judith éteignait les chandelles, j'ai roulé sous la table. » Maintenant, mon corps repose sur la colline d'Osterhafen, en face de la mer. Et je suis à la recherche d'un nouvel organisme. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Je viens te demander un service, Kappelmans. Un service ? Parle, tout ce qu'un homme peut faire, je le ferai pour toi. À la bonne heure, reprit-il. À la bonne heure, j'étais sûr que tu ne me refuserais pas. Eh bien donc, voici la chose. Tu sauras, Andreus, que j'étais allé à l'anse des harengs, tout exprès pour finir la pêche miraculeuse. Malheureusement, la mort m'a surpris avant que j'aie pu mettre la dernière main à cet ouvrage. Gambrinus l'a suspendu comme un trophée au fond de sa caverne. Cela me remplit d'amertume. Je ne serai content que lorsqu'il sera terminé, et je viens te prier de le finir. Tu me le promets, n'est-ce pas, Kappelmans ? Sois tranquille, Yann, c'est une affaire entendue. Alors bonsoir. Et là-dessus, mon coq bat de l'aile et traverse l'une de mes vitres avec un bruit sec, sans faire le moindre éclat. Après avoir terminé ce récit bizarre, Kappelmans déposa sa pipe sur le bord de la fenêtre et vida sa chope d'un trait. Nous restâmes longtemps silencieux, nous regardant l'un l'autre. Et vous croyez que ce coq noir était réellement l'âme de Van Marius ? Dis-je enfin au brave homme. Si je le crois, fit-il, c'est-à-dire que j'en suis sûr. Mais alors, que pensez-vous faire, maître Andreus ? C'est bien simple, je vais partir pour Osterhafen. Un honnête homme n'a qu'une parole. J'ai promis à Van Marius de terminer la pêche miraculeuse, et je la terminerai coûte que coûte. Dans une heure, Van Eckleborn doit venir me prendre avec sa charrette. Puis, s'arrêtant et me regardant d'un œil fixe, « fit-il, « j'y songe. Tu devrais m'accompagner, Christian. C'est une magnifique occasion de voir Lance des Harengs. Et puis, on ne sait ce qui peut arriver. Je serai content de t'avoir près de moi. » « Je le voudrais bien, maître Andreus, mais vous connaissez ma tante Catherine, elle ne consentira jamais. »« Ta tante Catherine, je vais lui signifier qu'il est indispensable pour ton instruction de voir un peu la côte. Qu'est-ce qu'un peintre de marine qui ne quitte jamais les environs de Leyde, qui ne connaît que le petit port de Calvic ? Allons donc, c'est absurde. Tu viens avec moi, Christian, c'est entendu. » Tout en parlant de la sorte, le digne homme passait sa large casaque rouge et, me prenant ensuite par le bras, il m'emmena gravement chez ma tante. Je ne vous raconterai pas tous les pourparlers, toutes les objections, toutes les répliques de maître Kappelmans pour décider ma tante Catherine à me laisser partir avec lui. Le fait est qu'il finit par l'emporter et que 2 heures plus tard, nous roulions vers Osterhafen. Notre carriole, attelée d'un petit cheval du Zuiderzee à grosse tête, les jambes courtes et poilues, le dos couvert d'une vieille peau de chien, courait depuis 3 heures de Leyde à Lance des Harengs sans paraître avoir avancé d'un pouce. Le soleil couchant projetait sur la plaine humide d'immenses reflets pourpres, les mares flamboyaient, et tout autour se dessinaient en noir les joncs, les roseaux et les prêles qui croissaient sur leurs rives. Bientôt le jour disparut, et Kappelmans, sortant de ses rêveries, s'écria « Christian, enveloppe-toi bien de ta casaque, rabats les bords de ton feutre et fourre tes pieds sous la paille. Hu, Barabbas, hu donc, nous marchons comme des escargots !» En même temps, il donnait l'accolade à sa cruche de skidam. Puis, s'essuyant les lèvres du revers de la main, il me la présentait, disant « Bois un coup, de peur que le brouillard ne t'entre dans l'estomac. C'est un brouillard salé, tout ce qu'il y a de pire au monde. » Je crus devoir suivre l'avis de Kappelmans, et cette liqueur bienfaisante me mit aussitôt de bonne humeur. « Cher Christian, reprit le vieux maître après un instant de silence, puisque nous voilà pour 5 ou 6 heures dans les brouillards, sans autre distraction que de fumer des pipes et d'entendre crier la charrette, causons d'Osterhafen. » Alors le brave homme se mit à me faire la description de la taverne du pot de tabac, la plus riche en bières fortes et en liqueurs spiritueuses de toute la Hollande. « C'est dans la ruelle des 3 sabots qu'elle se trouve, me dit-il. On la reconnaît de loin à sa large toiture plate. Ses petites fenêtres carrées à fleurs de terre donnent sur le port. En face s'élève un grand marronnier. À droite, le jeu de quilles longe un vieux mur couvert de mousse. Et derrière, dans la basse-cour, vivent pêle-mêle des centaines d'oies, de poules, de dindons et de canards, dont les cris perçants forment un concert tout à fait réjouissant. Quant à la grande salle de la taverne, elle n'a rien d'extraordinaire. Mais là, sous les poutres brunes du plafond, au milieu d'un nuage de fumée bleuâtre, trône, dans un comptoir en forme de tonneau, le terrible Hérode van Gambrinus, surnommé le Bacchus du Nord. Cet homme-là boit à lui seul 2 mesures de porter. L'ale triple et le lambic passent dans son estomac comme dans un entonnoir de fer blanc. Il n'y a que le genièvre qui puisse l'assommer. Malheur au peintre qui met le pied dans cet enfer, je te le dis, Christian, il vaudrait mieux qu'il n'eût jamais vu le jour. Les jeunes servantes aux longues tresses blondes s'empressent de le servir, et Gambrinus lui tend ses larges mains velues, mais c'est pour lui voler son âme. Le malheureux sort de là, comme les compagnons d'Ulysse sortirent de la caverne de Circé. Ayant dit ces choses d'un air grave, Kappelmann s'alluma sa pipe et se prit à fumer en silence. Moi, j'étais devenu tout mélancolique. Une tristesse insurmontable pénétrait dans mon âme. Il me semblait approcher d'un gouffre, et s'il m'eût été possible de sauter de la charrette, que Dieu me le pardonne, j'aurais abandonné le vieux maître à son entreprise hasardeuse. Ce qui me retint encore, c'est l'impossibilité de retourner à travers des marais inconnus par une nuit sombre. Il me fallut donc suivre le courant et subir le sort funeste que je prévoyais. Vers 10 heures, maître Andreus s'endormit. Sa tête se prit à balloter contre mon épaule. Moi, je tins bon encore plus d'une heure, mais enfin la fatigue l'emporta et je m'endormis à mon tour. Je ne sais depuis combien de temps nous jouissions du repos lorsque la charrette s'arrêta brusquement et que le voiturier s'écria « Nous y sommes !» Kappelmanns fit entendre une exclamation de surprise tandis qu'un frisson me parcourait de la tête aux pieds. Je vivrais 1000 ans que la taverne du pot de tabac, telle que je la vis alors, avec ses petites fenêtres scintillantes et sa grande toiture qui s'abaisse à quelques pieds du sol, serait toujours présente à ma mémoire. La nuit était profonde. La mer, à quelques 100 pas derrière nous, mugissait, et par-dessus ces clameurs immenses, on entendait nasiller une cornemuse. Dans les ténèbres, on voyait danser des silhouettes grotesques aux vitres de la baraque. On aurait dit un jouet d'enfant, une lanterne magique, un mirliton posé là dans la nuit pour narguer la scène formidable. L'allée fongeuse éclairée par une lanterne de corne laissait entrevoir des figures étranges, avançant et reculant dans l'ombre comme des rats dans un égout. La ritournelle poursuivait toujours son train, et ce bruissement nasillard, le petit cheval de Van Eck, la tête basse, les pieds dans la boue. Kappelmanns qui serrait sa grosse houppelande sur ses épaules en grelottant. La lune entourée de nuages, regardant à travers quelques crevasses lumineuses. Tout confirmait mes appréhensions et me pénétrait d'une tristesse invincible. Nous allions mettre pied à terre quand, du milieu des ombres, s'avança brusquement un homme de haute stature, coiffé d'un large feutre, la barbe en pointe, le col rabattu sur le pourpoint de velours noir et la poitrine ornée d'une triple chaîne d'or à la manière des anciens artistes flamands. « C'est vous, Kappelmanns ?» fit cet homme, dont le profil sévère se dessinait sur les petites vitres du bouge. « Oui, maître !» répondit Andreus tout stupéfait. « Prenez garde !» reprit l'inconnu en levant le doigt. « Prenez garde, le tueur d'âmes vous attend. Soyez tranquille, Andreus Kappelmanns fera son devoir. C'est bien, vous êtes un homme, l'esprit des vieux maîtres est avec vous. » Ce disant, l'étranger s'enfonça dans les ténèbres, et Kappelmanns, tout pâle, mais l'air ferme et résolu, descendit de la carriole. Je le suivis, plus troublé qu'il ne me serait possible de le dire. De vagues rumeurs s'élevaient alors de la taverne. On n'entendait plus la cornemuse. Nous entrâmes dans la petite allée sombre, et bientôt maître Andreus, qui marchait le premier, s'étant retourné, me dit à l'oreille « Attention, Christian !» En même temps, il poussa la porte, et sous les jambons, les harengs et les andouilles suspendues aux poutres noires, j'aperçus une 100aine d'hommes assis autour de longues tables, rangées à la file, les uns accroupis comme des magots, les épaules arrondies, d'autres les jambes écartées, le feutre sur l'oreille, le dos contre le mur, lançant au plafond des nuages de fumée tourbillonnante. Ils avaient tous l'air de rire, les yeux à demi fermés, les joues bridées jusqu'aux oreilles, et semblaient plongés dans une sorte de béatitude profonde. À droite, une large cheminée flamboyante envoyait ses traînées de lumière d'un bout de la salle à l'autre. De ce côté, la vieille Judith, longue et sèche comme un manche à balai, la figure empourprée, agitait au milieu des flammes une grande poêle où pétillait une friture. Mais ce qui me frappa surtout, ce fut Hérode van Gambrinus lui-même, assis dans son comptoir un peu à gauche, tel que me l'avait dépeint Maître Andreus, les manches de sa chemise retroussées jusqu'aux épaules sur ses bras velus, les coudes au milieu des chopes luisantes, les joues relevées par ses poings énormes, son épaisse tignasse rousse ébouriffée et sa longue barbe jaunâtre tombant à flots sur sa poitrine. Il regardait d'un œil rêveur la pêche miraculeuse suspendue au fond de la taverne, juste au-dessus de la petite horloge de bois. Je le considérais depuis quelques secondes, lorsqu'au dehors, non loin de la ruelle des Trois Sabots, la trompe du Wartmann se fit entendre, et dans le même instant, la vieille Judith, agitant sa poêle, se prit à dire d'un ton ironique « Minuit ! Depuis 12 jours, le grand peintre Van Marius repose sur la colline d'Osterhafen, et le vengeur n'arrive pas. Le voici !» s'écria Kappelmans en s'avançant au milieu de la salle. Tous les yeux se fixèrent sur lui, et Gambrinus, ayant tourné la tête, se prit à sourire en se caressant la barbe. « C'est toi, Kappelmans ? » dit-il d'un ton goguenard. « Je t'attendais. Tu viens chercher la pêche miraculeuse ?»« Oui, » répondit Maître Andreus. « J'ai promis à Van Marius de terminer son chef-d'œuvre. Je le veux et je l'aurai. » « Tu le veux et tu l'auras, » reprit l'autre. « C'est bientôt dit, camarade. Sais-tu que je l'ai gagné, moi, la cruche au poing ? Je le sais, et c'est la cruche au poing que j'entends le reprendre. Alors, te voilà bien décidé à jouer la grande partie ? Oui, j'y suis décidé. Que le Dieu juste me soit en aide. Je tiendrai ma parole ou je roulerai sous la table. » Les yeux de Gambrinus s'illuminèrent. « Vous l'avez entendu ? » s'écria-t-il en s'adressant au buveur. « C'est lui qui me défie, qu'il soit fait selon sa volonté. » Puis, se tournant vers Maître Andreus, « Quel est ton juge ?»« Mon juge est Christian Rebstock, » dit Kappelmans en me faisant signe d'approcher. J'étais ému, j'avais peur. Aussitôt, l'un des assistants, Ignace van den Broek, bourgmestre d'Osterhafen, coiffé d'une grande perruque de chien dent, tira de sa poche un papier et d'un ton de pédagogue, il lut. « Le Vogt des biberons a droit au linge blanc, au vert blanc, à la blanche chandelle, qu'on le serve. » Et une grande fille rousse vint déposer ses choses à ma droite. « Quel est ton juge à toi ?» demanda Maître Andreus. « Adam van Rasimus. » Cet Adam van Rasimus, le nez fleuri, l'échine courbée et l'œil en coulisse, vint prendre place à côté de moi. On le servit de même. Cela fait, Hérode, tendant sa large main par-dessus le comptoir à son adversaire, s'écria « N'emploies-tu ni sortilège ni maléfice ?»« Ni sortilège ni maléfice, » répondit Kappelmans. « Es-tu sans haine contre moi ?» Quand j'aurai vengé Fritz Coppelius, Toby Vogel le paysagiste, Römer, Nickel Brauer, Diedrich Winckelmann, Van Marius, tous peintres de mérite noyés par toi dans l'Ale et le Porter, et dépouillés de leurs œuvres, alors je serai sans haine. » Hérode partit d'un immense éclat de rire, et les bras étendus, ses larges épaules rejetées en arrière contre le mur, « Je les ai vaincus, la cruche au poing !» s'écria-t-il. « Honorablement et loyalement, comme je vais te vaincre toi-même. Leurs œuvres sont devenues mon bien légitime, et quant à ta haine, je m'en moque et passe outre. Buvons !» Alors, mes chers amis, commença une lutte telle qu'on n'en cite pas deux comparables de mémoire d'homme en Hollande et dont il sera parlé dans les siècles des siècles s'il plaît au Seigneur Dieu. Le blanc et le noir étaient aux prises, les destins allaient s'accomplir. Une tonne d'ale fut déposée sur la table, et deux pots d'une pinte furent remplis jusqu'au bord. Hérod et maître Andros vidèrent chacun le leur d'un trait. Ainsi de suite, de demi-heure en demi-heure, avec la régularité du tic-tac de l'horloge, jusqu'à ce que la tonne fût vide. Après l'ale, on passa au porter, et du porter au lambic. Vous dire le nombre de barils de bière forte qui furent vidés dans cette bataille mémorable me serait facile. Le bourgmestre Van der Broek en a consigné le chiffre exact sur le registre de la commune d'Oosterhaven pour l'enseignement des races futures. Mais vous refuseriez de me croire, cela vous paraîtrait fabuleux. Qu'il vous suffise de savoir que la lutte dura 3 jours et 3 nuits. Cela ne s'était jamais vu. Pour la première fois, Hérode se trouvait en face d'un adversaire capable de lui tenir tête. Aussi, la nouvelle s'en étant répandue dans le pays, tout le monde accourait à pied, à cheval, en charrette. C'était une véritable procession. Et comme beaucoup ne voulaient pas s'en retourner avant la fin de la lutte, il se trouva qu'à partir du deuxième jour, la taverne ne désemplit pas une seconde. À peine pouvait-on se mouvoir, et le bourgmestre était forcé de frapper sur la table avec sa canne et de crier « Faites place !» pour qu'on laissât passer les garçons de cave apportant les barils sur leurs épaules. Pendant ce temps-là, maître Andros et Gambrinus continuaient de vider leurs pintes avec une régularité merveilleuse. Parfois, récapitulant dans mon esprit le nombre de mosses qu'ils avaient bu, je croyais faire un rêve et je regardais Kappelmans le cœur serré d'inquiétude. Mais lui, clignant de l'œil, s'écriait aussitôt en riant « Eh bien, Christian, ça marche. Bois donc un coup pour te rafraîchir. » Alors je restais confondu. « L'âme de Van Marius est en lui, me disais-je. C'est elle qui le soutient. » Quant à Gambrinus, sa petite pipe de vieux buis aux lèvres, le coude sur le comptoir et la joue dans la main, il fumait tranquillement comme un honnête bourgeois qui vide sa chope le soir en songeant aux affaires de la journée. C'était inconcevable. Les plus rudes buveurs eux-mêmes n'y comprenaient rien. Le matin du troisième jour, avant d'éteindre les chandelles, voyant que la lutte menaçait de se prolonger indéfiniment, le bourgmestre dit à Judith d'apporter le fil et l'aiguille pour la première épreuve. Aussitôt, il se fit un grand tumulte. Tout le monde se rapprochait pour mieux voir. D'après les règles de la grande partie, celui des deux combattants qui sort victorieux de cette épreuve a le droit de choisir la boisson qui lui convient et de l'imposer à son adversaire. Hérode avait déposé sa pipe sur le comptoir. Il prit le fil et l'aiguille que lui présentait Van den Broek et, soulevant sa lourde masse, les yeux écarquillés et le bras haut, il ajusta. Mais soit que sa main fût réellement alourdie ou que le vacillement des chandelles lui troublât la vue, il fut obligé de s'y reprendre à deux fois, ce qui parut faire une grande impression sur les assistants car ils se regardèrent entre eux tout stupéfait. « À votre tour, Kappelmans !» dit le bourgmestre. Alors, maître Andros, se levant, prit l'aiguille et du premier coup, il passa le fil. Des applaudissements frénétiques éclatèrent dans la salle. On aurait dit que la baraque allait s'écrouler. Je regardais Gambrinus. Sa large figure charnue était bouffie de sang. Ses joues tremblaient. Au bout d'une minute, le silence s'étant rétabli, Van den Broek frappa 3 coups sur la table et s'écria d'un ton solennel « Maître Kappelmans, vous êtes glorieux en Bacchus. Quelle est votre boisson ?»« Du Skidam, » répondit maître Andros. « Du vieux Skidam, tout ce qu'il y a de plus vieux et de plus fort. » Ces mots produisirent un effet surprenant sur le tavernier. « Non, non !» s'écria-t-il. « De la bière, toujours de la bière, pas de Skidam !» Il s'était levé tout pâle. « J'en suis fâché, » dit le bourgmestre d'un ton bref, « mais les règles sont formelles. Qu'on apporte ce que veut Kappelmanns. » Alors Gambrinus se rassit comme un malheureux qui vient d'entendre prononcer sa condamnation à mort. Et l'on apporta du skidam de l'an 22, que nous goûtâmes, Van Rasimus et moi, afin de prévenir toute fraude ou mélange. Les verres furent remplis et la lutte continua. Toute la population d'Osterhafen se pressait aux fenêtres. On avait éteint les chandelles, il faisait grand jour. À mesure que la lutte approchait du dénouement fatal, le silence devenait plus grand. Les buveurs, debout sur les tables, sur les bancs, les chaises, les tonnes vides, regardaient attentifs. Kappelmanns s'était fait servir une andouille et mangeait de bon appétit. Mais Gambrinus ne se ressemblait plus à lui-même. Le skidam le stupéfiait. Sa large face cramoisie se couvrait de sueur. Ses oreilles prenaient des teintes violettes. Ses paupières s'abaissaient. Parfois un tressaillement nerveux lui faisait relever la tête. Alors les yeux tout grands ouverts, la lèvre pendante, il regardait d'un air hébété ses figures silencieuses pressées les unes contre les autres. Puis il prenait sa cruche à deux mains et buvait en râlant. « Je n'ai rien vu de plus horrible en ma vie. » Tout le monde comprenait que la défaite du tavernier était certaine. « Il est perdu, » se disait-on, « lui qui se croyait invincible. Il a trouvé son maître, encore une ou deux cruches, et tout sera fini. » Cependant, quelques-uns prétendaient le contraire. Ils affirmaient qu'Hérode pouvait tenir encore 3 ou 4 heures, et Van Rasimus offrait même de parier une tonne d'ale qu'il ne roulerait sous la table que vers le coucher du soleil, lorsqu'une circonstance en apparence insignifiante vint précipiter le dénouement. Il était près de midi. Le garçon de cave, Nickelspitz, emplissait les cruches pour la 4e fois. La grande Judith, après avoir essayé de mettre de l'eau dans le skidam, venait de sortir tout en larmes. On l'entendait pousser des gémissements lugubres dans la chambre voisine. Hérode sommeillait. Tout à coup, la vieille horloge se mit à grincer d'une façon bizarre. Les 12 coups sonnèrent au milieu du silence. Puis le petit coq de bois perché sur le cadran battit des ailes et fit entendre un cocorico prolongé. Alors, mes chers amis, ceux qui se trouvaient dans la salle furent témoins d'une scène épouvantable. Au chant du coq, le tavernier s'était levé de toute sa hauteur, comme poussé par un ressort invisible. Je n'oublierai jamais cette bouche entr'ouverte, ses yeux hagards, cette tête livide de terreur. Je le vois encore étendre les mains pour repousser l'affreuse image. Je l'entends qui s'écrie d'une voix strangulée. « Le coq ! Oh, le coq !» Il veut fuir, mais ses jambes fléchissent et le terrible Hérode Van Gambrinus tombe comme un bœuf sous le coup de l'assommoir aux pieds de maître Andrus Kappelmanns. Le lendemain, vers 6 heures du matin, Kappelmanns et moi nous quittions Osterhafen emportant la pêche miraculeuse. Notre rentrée à Leyde fut un véritable triomphe. Toute la ville prévenue de la victoire de maître Andrus nous attendait dans les rues, sur les places. On aurait dit un dimanche de kermesse. Mais cela ne parut faire aucune impression sur l'esprit de Kappelmanns. Il n'avait pas ouvert la bouche tout le long de la route et semblait préoccupé. À peine arrivé chez lui, son premier soin fut de consigner sa porte. « Christian, me dit le brave homme en se débarrassant de sa grosse houppelande, j'ai besoin d'être seul. Retourne chez ta tante et tâche de travailler. Quand le tableau sera fini, j'enverrai Cobus te prévenir. » Il m'embrassa de bon cœur et me poussa doucement dehors. Ce fut un beau jour lorsque, environ 6 semaines plus tard, maître Andrus étant venu me prendre lui-même chez Dame Catherine, me conduisit dans son atelier. La pêche miraculeuse était suspendue contre le mur en face des 2 hautes fenêtres. Dieu, quelle œuvre sublime! Est-il possible qu'il soit donné à l'homme de produire de telles choses? Kapelmans avait mis là tout son cœur et tout son génie. L'âme de Van Marius devait être satisfaite. Je serais resté jusqu'au soir muet d'admiration devant cette toile incomparable si le vieux maître, me frappant tout à coup sur l'épaule, ne m'avait dit dans ton grave « Tu trouves cela beau, n'est-ce pas, Christian ?» Eh bien, Van Marius avait encore une douzaine de chefs-d'œuvre pareils dans la tête. Malheureusement, il aimait trop l'ail triple et le skidam. Son estomac l'a perdu. C'est notre défaut à nous autres, Hollandais. Tu es jeune, que cela te serve de leçon. Le sensualisme est l'ennemi des grandes choses.